Les rois mages d'Edmond Rostand. Ils perdirent l'étoile un soir. Pourquoi perd-on l'étoile? Pour l'avoir parfois trop regardée, les deux rois blancs, étant des savants de Chaldée, tracèrent sur le sol des cercles au bâton. Ils firent des calculs, grattèrent leur menton, mais l'étoile avait fui, comme fuit une idée. Et ces hommes, dont l'âme eut soif d'être guidée, pleurèrent en dressant des tentes de coton. Mais le pauvre roi noir, méprisé des deux autres, se dit « Pensons aux soifs qui ne sont pas les nôtres. Il faut donner quand même à boire aux animaux. » Et tandis qu'il tenait son seau d'eau par son anse, dans l'humble rond de ciel où buvaient les chameaux, il vit l'étoile d'or qui dansait en silence. Enregistré par Christiane Jehan.